au coin de ma rue. C'est comme un arc-en-ciel, y'a trop de couleurs. Du coin de ma rue, c'est comme un arc-en-ciel, y'a trop de couleurs. Au coin de ma rue, c'est comme un arc-en-ciel, y'a trop de couleurs. Du coin de ma rue, c'est comme un arc-en-ciel, y'a trop de couleurs. Besoin de toi, tu le sais, comme de partir pour écrire, comme de s'isoler une fois, d'être prisonnier pour être libre. Besoin de s'évader tranquille et de se retrouver soi-même. Nous faire croire que l'argent fait aussi partie d'une vie saine. La musique a pris de l'ampleur, on pourra pas dire le contraire. Elle a tellement pris de la hauteur, mais sûrement pas de nos têtes. Au fond de mon cœur, c'est comme un ghetto. Dès qu'ils sont l'approche extérieure, ils se resserrent comme un étau. Tente un scredco, ouais. Demande à Fab depuis l'époque avant qu'on touche le premier bédo. La claque on la prend trop tôt, très jeune avec Marie-Jeanne. Pas de régime, on se fait seul, t'es jeune avec nos tisanes. Le sang tourne sur la lune, vas-y prête-moi ta plume comme les poètes de la rue. Laisse-nous piloter le truc, non, on va écraser personne. Pas besoin de casser une porte pour découvrir au coin de ma rue, c'est comme un arc-en-ciel, y'a trop de couleurs. Du coin de ma rue, c'est comme un arc-en-ciel, y'a trop de couleurs. Au coin de ma rue, c'est comme un arc-en-ciel, y'a trop de couleurs. Du coin de ma rue, c'est comme un arc-en-ciel, y'a trop de couleurs. La musique est à tout le monde, pas de couleur, pas d'image. J'en place une à ces artistes, fabuleux dans le paysage. Besoin de ça pour qu'on voyage, sans vouloir viser le top. Demande à Sprinter, mon pote. Besoin de la rime, merci. Demande à la rumeur aussi. Depuis gamin, on a le stylo, pas l'envie de remplir un zénith. On aime ce rap, c'est de la bucousse. À tous mes demi-parrains, passionnés depuis long time. Besoin d'un texte en freestyle, taillé comme un box style. À tous mes rastafarais, je vous ferai bon bababa. Et je répète, j'ai plus de force, j'ai plus de force. On a grandi, évidemment. Avec toujours ce rêve de gosse, on vient flasher, rapper mec, tant que la musique nous fait plaise. Vive le rap français, le net IAM jusqu'à NTM. Laisse-nous piloter le truc, on va écraser personne. Pas besoin de casser une porte pour découvrir ma clé de sol. Au coin de ma rue, c'est comme un arc-en-ciel, y'a trop de couleurs. Du coin de ma rue, c'est comme un arc-en-ciel, y'a trop de couleurs. Au coin de ma rue, c'est comme un arc-en-ciel, y'a trop de couleurs. Du coin de ma rue, c'est comme un arc-en-ciel, y'a trop de couleurs.